dit-on? Nous voyons. Vediamo. Vediamo, exact. Vediamo. Et nous le voyons? Lo vediamo. Lo vediamo, oui. Dites maintenant, nous ne le voyons pas. Non lo vediamo. Non lo vediamo. Et nous ne pouvons pas le voir? Non lo possiamo vederlo. Reprenez depuis le début, s'il vous plaît. Non lo possiamo vederlo. Le est traduit deux fois dans votre phrase. Oh, non possiamo vederlo. Très bien, oui. Non possiamo vederlo. Non possiamo vederlo. Nous ne pouvons pas le voir. Bien sûr, vous auriez pu dire aussi non lo possiamo vedere. Mais non possiamo vederlo est tout à fait correct. Nous ne pouvons pas le voir. Et comment diriez-vous? Nous ne pouvons pas nous voir ici. Je vous ai dit tout à l'heure que ci représentait le nous réfléchi, c'est-à-dire nous-mêmes. Mais il a aussi, comme en français, une fonction de réciprocité. Il peut vouloir dire l'un l'autre, comme dans cette phrase « Nous ne pouvons pas nous voir ici ». Comment diriez-vous ça? Non possiamo ci vedere qui. Vederci. Non possiamo vederci qui. C'est ça. Non possiamo vederci qui. Est-ce que c'est bien clair? On colle le ci à la fin de l'infinitif. Vederci, nous voir. Comment diriez-vous nous nous voyons? Vediamo. Vediamoci. Comment dit-on nous voyons? Vediamo. Vediamo. Et nous le voyons? Lo vediamo. Lo vediamo, c'est ça. Et maintenant, nous vous voyons. La vediamo. Oui, bien, la vediamo. Et nous nous voyons? Ci vediamo. Très bien. Alors, ce n'est que quand on a un infinitif qu'on rattache les mots comme ci à la fin. Tout à fait. Ou disons plutôt pour l'instant que c'est seulement avec l'infinitif, mais nous verrons plus tard qu'il y a d'autres cas où l'on peut rattacher les particules comme ci à la fin d'un verbe. Ci vediamo, nous nous voyons. Comment dites-vous? Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas d'abord. Non posso. Ça c'est je ne peux pas. Je vous ai demandé nous ne pouvons pas. Non possiamo. Non possiamo le voir. Vederlo. Bien. Vous voyez qu'ici, après pouvoir, vous utilisez l'infinitif et donc vous rattachez lo à la fin. Vederlo. De même, comment diriez-vous nous ne pouvons pas nous voir ici? Non possiamo vederci qui. Non possiamo vederci qui. C'est ça. Et cette fois, sans l'infinitif. Comment diriez-vous nous nous voyons? Ci vediamo. Ci vediamo, oui. Cette expression, ci vediamo, s'emploie beaucoup quand on se donne rendez-vous. C'est l'équivalent de « on se voit » ou « on se retrouve ». Par exemple, comment diriez-vous « à quelle heure est-ce qu'on se verra demain ?» ou « à quelle heure est-ce que nous nous verrons demain ?» À quelle heure ci vediamo, vederemo. Non, vous vous trompez dans la terminaison du futur. Bon, quelle est la terminaison de la première personne, celle qui correspond à « je » au futur? Ro. Ro, effectivement. Et celle qui correspond à « il », « elle » ou « vous » Ra. Ra, Oui. Et la terminaison du « nous » Remo. Oui, c'est ça, remo. Par contre, pour le conditionnel, c'est un peu différent. Quelle est la terminaison qui correspond à « je » Ei. N'oubliez pas le « r ». Il fait partie de la terminaison. Rei. Rei, oui. Toujours avec le « r » de l'infinitif. Donc, « rei » correspond à « je ». Et pour « il », « elle » et « vous », quelle est la terminaison ?« Rebbe ». Et « nous » ?« Ra... Remmo ». ».« Remmo ».« Remmo », avec deux « m ».« Remmo ». Donc, au futur, on a « remo »,« remo » et au conditionnel « remmo ».« Remmo ». D'où l'importance de bien faire la distinction entre le « m » simple et les deux « m ». Alors, reprenons au début. Comment dites-vous « nous nous verrons » ?« Ci vedra vedremo ». Oui. Un seul « m » donc. Hein. « Ci vedremo ».« Ci vedremo ». Donc, pour dire « à quelle heure » est-ce que nous nous verrons demain? Vous direz? A che ora ci vedremo domani? A che ora ci vedremo domani? Tout à fait.